بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 87 كتخواستهم حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. Donc selon Anas bin Malik, il a dit: je n'ai jamais fait de salat derrière un imam, une salat plus légère et plus complète que celle du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, il fait le mérite de la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul fadilat al-shaykh ibn al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, rawi Anas bin Malik. Donc le rapporteur c'est Anas bin Malik, Abu Hamza al-Ansari, celui qui était au service du Nabi sallallahu alayhi wa sallam depuis sa tendre enfance. Yaqul fi shar al-ijmali, l'explication globale du hadith. يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه عن تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالناس مع المحافظة على إكمالها بفير كما بفير كل ما يتممها من قراءة وتكبير وتسبيح ودعاء وقيام وقعود وركوع وسجود وطمأنينة في ذلك وخشوع. Donc Anas bin Malik il informe justement de quelle façon le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allégit la salat pour les gens, tout en préservant son côté complet de tout ce qui permet de complétude, tout en permettant de pouvoir faire les choses qui s'y rapportent, comme lecture du Coran, et comme takbir, et comme tasbih, c'est-à-dire comme azkar, et comme dua, comme invocation, et comme posture debout ou assise, ou incliné ou prosterné avec la quiétude ainsi que la concentration. Légère, mais complète. Tu ne veux pas dire légère, comme certains la font, et rapide, où tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est al-adl, le juste milieu. Fayaqul, radiallahu anhu, ma salaytu wara imam qat akhaf salatan wala atam salatan min nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il n'a jamais fait la salat derrière un imam, qu'il la faisait plus légère, plus complète, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فهي صلاة كاملة مراع فيها إتقان العمل بتمامها وحسن راعية المأمومين أو حسن رعاية المأمومين. Donc c'est une salade qui est complète et qui observe bien justement le côté minutieux des actes qui permettent de pouvoir les accomplir complètement, ainsi que l'observation de ceux qui sont présidés derrière lui. Ça observe leur situation pour ne pas que ce soit trop lourd pour eux, et également qu'ils aient le temps de tout faire correctement. Yaqulu min fawaid al-hadith, enseignement utile du hadith. Awalan husn salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bin nas li jam'ihi bayna al-takhfif allazi fihi rahat al-musallin wa bayna al-itmam allazi fihi kamal as-salah. Donc il montre justement de quelle façon la salat du Nabi sallallahu alayhi wa sallam était correcte pour les gens, du fait qu'elle pouvait joindre entre l'allègement, qui est un repos pour le musallin, et également lui permettre de pouvoir accomplir toutes les postures et tous les actes, tout ce qui s'y rapporte. Thaniyan, أن من صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده فهو مخفف وإن ثقل ذلك على بعض الناس. Et celui qui fait la salat comme le Nabi صلى الله عليه وسلم pour les gens, il les préside et il le fait comme lui dans sa lecture, dans sa posture debout et dans son assise, c'est-à-dire dans la posture assise et dans son inclinaison, dans sa prosternation, alors c'est quelqu'un qui allège, même si cela est lourd pour certaines personnes. Car certains diront, c'est beaucoup. Il ne faut pas non plus croire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans sa salat, il faisait le Fatiha, il lisait Qulhu Allahu Ahad, et il faisait rien d'autre, il faisait super vite. Il ne faisait pas comme ça. Donc il faut comprendre, ce qui est mukhaffaf, ce qui est allégé, c'est comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a allégé. Lui. Et pas comme nous, on l'allège, forcément. On en a déjà parlé auparavant, ce n'est pas selon le désir des gens, mais selon les normes de la sunnah. Hadha alladhi akhadhna al-yawm min hadha al-hadith, wa alhamdu rabbil alamin.